La Maison de la Culture Internationale de Pyongyang exhibe de nouvelles affiches illustrées invitant les militaires et les civils à l'application de la résolution du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Les thèmes des affiches sont suivants, tous à l'application de la résolution du 7e congrès du Parti, soyons tous vainqueurs honorables dans la campagne de 200 jours, appliquons à fond la stratégie quinquennale de développement de l'économie nationale et édifions les constructions monumentales au niveau suprême à un rythme maximal.